إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui avec notre dars de Sharh Kitab Adab al-Mashi ila al-Salah avec le Sharh, donc c'est le Sharh de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad حفظه الله تعالى. Et le cours qu'on fait aujourd'hui, c'est le cours numéro 13. Et on est toujours dans les règles de la salat, la description de la salat. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit dans le texte du livre Adab al-Mashi ila al-Salah, قوله ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حميد أو أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمونة الأصابع ويقول رب اغفر لي ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني وعافيني رواه أبو داود ثم يسجد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب له رواه مسلم وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Donc ici le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il explique la façon dont on doit après, une fois qu'on s'est prosterné, parce qu'au dernier cours, c'est de ça qu'on a parlé. On a parlé de la prosternation. Donc, après s'être prosterné une fois, on se rassoit, hein, on relève sa tête et on se rassoit, hein, on se redresse assis. Et il dit, le cheikh, il relève donc sa tête en faisant le takbir, c'est-à-dire en disant Allahu Akbar, et il s'assoit muftarishan. Donc, c'est-à-dire, il se rassoit muftarishan. Et la description de muftarishan, c'est-à-dire que il s'assoit sur son pied gauche. Il s'assoit sur son pied gauche. Et son pied gauche est allongé, hein, sur le sol. Donc, son pied gauche est allongé sur le sol. Et lui, il est assis par-dessus son pied gauche. Et tandis que son pied droit est sur le côté, hein, de son côté droit, c'est-à-dire sa jambe droite est du côté droit de son corps, plié, puis ses pieds, son pied droit est arqué, hein, ses orteils sont sur le sol et son pied, hein, est droit, arqué, et les orteils pointés vers la Qibla. Et donc, le cheikh, il explique que les orteils de ses pieds donc sont pliés, et les orteils pointent en direction de la Qibla. Et ça, c'est basé sur le hadith de Abi Hubayd dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il explique que il place ses mains, il étend ses mains sur ses cuisses en collant ses doigts ensemble et il dit « Oh Allah, pardonne-moi, hein, Rabbi ghfirli » et il n'y a pas de mal à rajouter à ça, comme Abdullah ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre deux prosternations Rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Ça c'est rapporté par Abu Daoud. Puis ensuite il se prosterne une deuxième fois comme la première, et s'il veut il peut pendant sa prosternation faire des doigts, hein, supplémentaires dans sa prosternation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui concerne la prosternation, eh bien, faites en celle-ci plusieurs ou beaucoup d'invocations, hein, lorsque vous êtes prosterné, faites beaucoup d'invocations, car, c'est une position dans laquelle, hein, vous pouvez être exaucé encore plus, que dans une autre position. Donc c'est un moment privilégié pour faire des invocations, puisque la personne qui est en prosternation est plus, c'est plus propice qu'elle soit exaucée dans ce moment-là que dans un autre. Et ça, c'est rapporté par Muslim dans son Sahih. Et il dit également, l'imam Muslim a rapporté également, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il disait dans sa prosternation, « Oh Allah, pardonne-moi mes péchés, Allahumma ghfirli dhambi kullahu » C'est-à-dire, « Pardonne-moi tout mon péché, diqqahu wa jullahu » C'est-à-dire qu'il soit infiniment petit ou extrêmement grand. « Wa awwalahu wa akhirahu » Et le premier péché jusqu'au dernier. Hein? C'est-à-dire, pardonne-moi le premier jusqu'au dernier. Wa alaniyatahu wa sirrahu. C'est-à-dire, celui que j'ai fait, en public ou ouvertement, et celui que j'ai fait en privé. Et donc, ça, c'est l'invocation que la personne fait. Il peut faire cette invocation-là lorsqu'il est en prosternation. Yarfa'u, donc le premier point que Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad il explique, Il dit, يرفع من سجوده مكبرا مفترشا رجله اليسرى ناصبا قدمه اليمنى موجها أو موجها أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حميد وفيه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها رواه الترمذي وقال وهذا حديث حسن صحيح وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. Donc le cheikh il dit comme premier point, quand tu te relèves de la prosternation, tu te relèves en faisant le takbir, en disant Allahu Akbar, puis tu t'assois dans une position qu'on appelle muftarishan, c'est-à-dire tu t'assois sur ton pied gauche qui est sur le dos, yani allongé sur le sol, donc toi tu t'assois par-dessus, et ta jambe qui est à droite, elle est pliée, et ton pied, les orteils sont pointés, sont sur le sol, hein, les orteils sont sur le sol, et ton pied, lui, il est arqué, il est droit. Hein. Et donc, ça fait entre c'est-à-dire tes orteils et ton pied font comme un angle, si on veut, de 90 degrés, ton pied est droit à la verticale, et tes orteils sont à l'horizontale, pointés vers l'avant. Donc ça, c'est la position qui est mentionnée dans la sunna. Bien entendu, si quelqu'un il est dans une situation, par exemple, que ses pieds sont pas capables de se mettre dans cette position-là, et que c'est pas possible pour lui, dans ce cas-là, yani, il fait ce qu'il peut, yani, hein. Mais ça, c'est juste pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'est comme ça qu'il s'asseyait durant la salat. Donc, si quelqu'un il est capable de le faire, il le fait. Mais si quelqu'un il est pas capable, il fait ce qu'il est capable. Hein? Et c'est sûr qu'au début, quand quelqu'un il commence à faire la salat, au début ça peut sembler difficile, hein? Parce que souvent les enfants qui ont appris à faire la prière depuis qu'ils sont tout petits, ils ont l'habitude, donc ils ont développé l'habitude de s'asseoir de cette façon-là, et donc c'est facile pour eux de continuer à faire ça tout le temps. Mais pour quelqu'un qui, par exemple, s'est converti à l'islam et qui est devenu musulman un peu plus tard, au début, ça peut être difficile pour lui. Même une personne qui est née musulmane, mais qui n'avait pas l'habitude de faire la salat, par exemple, eh bien, c'est possible que cette personne, au début, ça lui soit difficile, même de s'asseoir dans les prosternations. J'ai vu des gens, parfois, qui faisaient la salat, et quand ils étaient dans le tashahhud, ils tremblaient, leurs jambes, tellement que ça leur faisait mal, parce que ils n'avaient pas l'habitude de s'asseoir dans la entre les deux prosternations ou bien pendant le tashahhud. Et ça, c'est normal au début. Toutefois, après un certain temps, eh bien, ils sont devenus habitués, et puis c'est devenu normal pour eux. Et je peux même donner comme exemple moi-même, parce que je me souviens que dans les premières semaines, quand je suis devenu musulman, eh bien, j'avais des douleurs parfois dans les jambes lorsque je faisais la salat à la fin pour le tashahhud. Mais après quelques temps, subhanallah, à force de faire la salat tout le temps, eh bien, c'est devenu quelque chose de très simple et normal. Maintenant, je peux rester assis comme ça pendant très longtemps, et puis je me fatigue pas trop. Donc ça me fait pas mal. Donc c'est pour dire qu'il faut être patient aussi. Donc si au début tu peux pas le faire, il faut essayer quand même, hein, puis petit à petit tu vas être capable, inchallah. Ensuite le cheikh il dit que ça c'est basé sur le hadith de Abu Hubayd. Et dans le hadith de Abu Hubayd, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit thubba sadda rijlahu al-yusra wa qad ثم سن رجله اليسرى وقعد عليها. Donc c'est ça. Donc sa jambe, son pied gauche, il s'allonge dessus, il s'assoit dessus. Na'am. C'est rapporté par At-Tirmidhi. Il dit وقال هذا حديث حسن صحيح. Et dans l'autre hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait disons parmi les actes qui, dans la salat qui sont sunnah, c'est d'établir le pied droit, hein, le pied droit tu le laisses arqué, hein, pointé vers les orteils pointés vers la qibla, et il s'assoit sur la gauche. Donc ça c'est la description qui a été mentionnée dans les hadiths au sujet de la façon dont on doit s'asseoir pendant la salat entre les deux prosternations. Et ensuite le cheikh il dit rawa Abu Daoud fi sunani bi isnad al-hasan an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu bayna as-sajdatayn allahumma ighfir li warhamni وعافيني واهدني وارزقني رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي C'est ça. Donc le cheikh explique que Abu Daoud il rapporte dans son Sunan avec une chaîne de transmission que Hassan al-Basri il rapporte selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait entre les deux prosternations ou dans les deux prosternations. Non, c'est entre les deux, pendant qu'il est assis. Il disait Allahumma ghfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni. Et c'est rapporté également selon Ibn Majah, dans son Sunan, avec une chaîne de transmission qui est authentique, selon Hudhayfa, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait entre les deux prosternations, يعني او مونسيور ربي اغفر لي ربي اغفر لي او مونسيور باردون موا او مونسيور باردون موا. Le point numéro 3, le cheikh il dit, ça c'est le dernier point, il dit وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه يكبر ويسجد السجدة الثانية وهي كالسجدة الأولى في صفتها والدعاء فيها قد تقدم قريبا بيان موضع الحديث الأول الذي ذكره المصنف في صحيح مسلم وحديث والحديث الثاني هو في مسلم ومما جاء في الدعاء في السجود غير ما تقدم في الركوع حيث غير ما تقدم في الركوع وحديث علي رضي الله عنه وفيه اللهم لك سجدت, لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلق السماوات وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم. Donc ici le troisième point, le cheikh il explique que donc après s'être assis entre les deux prosternations et d'avoir retrouvé sa tranquillité dans cette position-là, il fait encore le takbir une deuxième fois, c'est-à-dire pour se prosterner une deuxième fois. Et donc il se prosterne la deuxième fois, et sa prosternation dans la deuxième fois, elle est comme dans la première, dans la description et dans l'invocation. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Puis on a expliqué les détails de la façon dont il doit se prosterner au dernier cours, donc ça a été expliqué. Et le cheikh explique que on a expliqué dans la première partie du hadith authentique de Sahih Muslim. Et il dit que le hadith, le deuxième hadith également, il est rapporté par Muslim, dans lequel il y a la mention des invocations dans la prosternation, comme on l'a expliqué aussi pour le recours dans le hadith de Ali radiallahu anhu. Il dit dans ce hadith Allahumma laka sajadtu, c'est-à-dire oh Allah, c'est à toi que je me prosterne. وَبِكَ آمَنْتُ, c'est en toi que je crois. وَلَكَ أَسْلَمْتُ, c'est à toi que je me soumets. سَجَدَ وَجْهِ لِلَّذِي صَوَّرَهُ, mon visage se prosterne pour celui qui l'a créé et qui l'a formé. وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ, et qui a yani, créé son ouïe et sa vue. Ici, شَقَّ, yani, c'est pas nécessairement créé, mais c'est dans le sens de qu'il l'a séparé, yani, qu'il a fait sortir sa vue et son ouïe. تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, yani, que soit béni le yani, Allah, le meilleur des créateurs. Et ça, c'est rapporté par Muslim. Donc, je pense qu'on va s'arrêter pour le cours de fiqh. On va s'arrêter à cette partie, inchallah. Puis on continuera la prochaine fois, bi'iznillah. Donc, on va prendre une petite pause, quelques minutes, peut-être 15 minutes, inchallah, pour que je me repose un peu, parce que je suis un petit peu malade en ce moment, malheureusement. Et puis je vais reprendre dans environ 15 minutes. Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.